إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 30 dans l'explication du livre Haqiqatul Wala'i wal Bara' qui est écrit par le Cheikh Isam ibn Abdullah As-Sinani et qui a été relu et préfacé par le Cheikh Dr. فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. Et donc on est arrivé dans le livre, on a expliqué, comme on l'a dit dans les derniers cours, on a expliqué jusqu'au point numéro 6. Hein? On a dit que dans le livre au complet, il y a une série de points, il y a 9 points qui sont mentionnés. Et là on est rendu dans le point numéro 6. Et le point numéro 6, il est divisé en 14 principes. 14 principes. Et donc, c'est dans cette partie qu'on est rendu. On a expliqué jusqu'à maintenant, parmi les 14 principes, on est rendu au 11e. On a expliqué 10 principes. Et ces 14 principes sont des principes pour réfuter les shubuhat des gens de takfir. Qui utilise la question de Al-Wala ou Al-Bara pour faire le takfir des musulmans. Donc, on est arrivé au point numéro 11 aujourd'hui. Pour réfuter d'autres parmi ces points et pour clarifier des réalités qui ont rapport avec la question de Al-Wala ou Al-Bara. Donc, le point numéro 11, c'est le suivant, ou le principe numéro 11. C'est le suivant. أوجب الإسلام العدل حتى مع الكفار ممن قاتلنا وعادانا أو ممن قاتلنا وعادانا ولو اقتضى ذلك أن يحكم للكافر على المسلم فإن ذلك لا ينافي الولاء للمسلم والبراءة من الكافر. فإن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Donc le Cheikh il commence le principe numéro 11 en disant que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné a ordonné l'islam et la justice. Dans l'islam, on ordonne la justice même avec les kuffars, même parmi ceux qui nous ont combattus et qui nous ont opposés, qui se sont opposés à nous, même si cela implique de juger en faveur d'un kafir contre un musulman. Et il explique le cheikh que cela n'est pas en contradiction et n'oppose pas le principe de al-wala, c'est-à-dire d'allégeance ou d'alliance envers le musulman, et de bara'a, c'est-à-dire de désaveu et de haine envers le kafir. Il n'y a pas de contradiction entre le fait de juger en faveur du kafir contre un musulman, si c'est le kafir qui a raison et que le musulman qui a tort. Ça, ce n'est pas en contradiction avec Al-Wala ou Al-Bara. Et le Cheikh, il mentionne comme preuve à ce sujet-là le verset 7 dans Surat Al-Ma'idah, et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, ainsi que l'alliance qu'il a conclue avec vous, quand vous avez dit, nous avons entendu et nous avons obéi, et craignez Allah, car Allah connaît parfaitement le contenu des cœurs. Hein? Donc, c'est-à-dire, rappelez-vous du bienfait. Et ça, c'est le verset avant. Puis le verset en question, c'est le verset 8, c'est le suivant: ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah. Kunu qawwamin. C'est-à-dire, soyez stricts dans la façon dont vous implémentez et vous mettez en pratique vos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et yani shuhada bil qist. Yani également que vous soyez envers Allah et que vous soyez yani que vous soyez strict dans vos devoirs envers Allah et que vous soyez des témoins équitables. C'est-à-dire quand vous témoignez, que vous soyez juste. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Si on a de la haine pour les kuffars, ça c'est qu'est-ce qui est normal, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de détester les kuffars à cause de leur kuffr, à cause de leur shirk, à cause de leur désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de leur égarement. Donc, on les déteste pour ça, mais en même temps ça ne doit pas nous inciter à être injustes envers eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite: i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. C'est-à-dire, soyez juste. Cela est plus proche de la piété. C'est plus proche de la taqwa, d'être juste, que d'être injuste. Bien entendu. Et craignez Allah. C'est-à-dire, faites preuve de crainte et de piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc, c'est le verset 8 qu'on voulait citer en particulier dans cette explication-là. Et le Cheikh, il explique ensuite, il dit: Rawa al-Bukhari an al-Ash'ath ibn Qais. Rawa al-Bukhari an al-Ash'ath ibn Qais radiyallahu anhu qal: kana bayni wa bayna rajulin min al-Yahud ard fajahadani فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: قلت لا. قال: فقال لليهود: احلف. قال: قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايات او الى اخر الايه. Donc c'est le hadith suivant dans Sahih al-Bukhari qui est rapporté selon Al-Ash'ath ibn Qais. Il dit que il y a eu entre j'avais une terre, et entre moi et un juif il y a eu un conflit à propos de cette terre. Il m'a disputé une partie de la terre. Alors je l'ai amené devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé: est-ce que tu as une preuve de ce que tu dis? Et je lui ai dit: non, j'ai pas de preuve. Alors il a dit aux juifs: alors dans ce cas-là, jure de ce que tu dis. Et Al-Ash'ath ibn Qais a dit: ô messager d'Allah, s'il jure, si c'est comme ça, il va jurer et il va partir avec mon bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset 77 dans Surat Al-Imran, et ce qui suit, au sujet de cette situation-là. C'est le verset qui mentionne ce qui signifie: ceux qui vendent à vil prix leur engagement, c'est-à-dire leur serment, avec Allah. Donc, ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leur serment n'auront aucune part dans l'au-delà. Allah ne leur parlera pas ni ne les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre, pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent « Ceci vient d'Allah » alors qu'il ne vient pas d'Allah. Et ils disent sciemment le mensonge contre Allah. C'est-à-dire ils mentent contre Allah avec connaissance. Et il ne leur conviendrait pas, il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie de dire ensuite aux gens « Soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah ». Mais au contraire, il devra dire « Devenez des savants, obéissant au Seigneur ». Puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est les versets qui ont été révélés à ce sujet-là, en voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il menace celui qui fait des serments, hein, et qui ment dans ses serments, et qu'il y a une menace à ce sujet-là, et ceux qui ne respectent pas leur engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils auront un châtiment douloureux. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit qu'ils n'auront aucune part dans l'au-delà. Allah ne va pas leur adresser la parole, ne va pas les regarder au jour de la résurrection et il ne va pas les purifier. Ensuite, un autre exemple, le cheikh il mentionne, il dit « Rawa malikun fil muwatta min tariqi Sa'id ibn al-Musayyib anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ikhtasama ilayhi muslimun wa yahudi » فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له وقال ابن عبد البر وفي هذا الحديث من الفقه أن المسلم والكافر والذمي في الحكم بينهما والقضاء كالمسلمين سواء انتهى كلامه. Donc l'imam Malik il rapporte dans Al-Muwatta dans un hadith rapporté selon Saïd ibn al-Musayyib, que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a disputé, il y a deux personnes qui sont venues disputer devant lui, parmi les deux, il y en avait un qui est musulman et l'autre juif. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a vu que la vérité était du côté du juif, que c'était le juif qui avait raison, alors il a jugé en faveur du juif. Elle est contre le musulman. Et ça, c'est rapporté dans Al-Muwatta, Kitab Al-Aqdiya, Bab Al-Targhib fil Qada ibn Haqq. Et l'imam Ibn Abdel Barr, dans son livre Al-Istidkar, le volume 22 à la page 20, il dit, et il y a dans ce hadith de la compréhension et du fiqh, du fait que le muslim et le kafir et le zimmi, c'est-à-dire le juif, ou le chrétien qui vit parmi les musulmans selon des conditions de l'islam, donc il y en a tous ceux-là, le muslim, le kafir, le zimmi, dans le jugement entre eux, lorsqu'on juge entre eux, lorsqu'il y a un juge qui fait un jugement entre eux, eh bien, ils sont comme les musulmans, c'est-à-dire le kafir et le zimmi, quand on juge en cours, quand ils sont devant le juge dans l'islam, ils ont, ils doivent être jugés de la même manière qu'on juge les musulmans. Donc ça c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Abdel Barr. Le troisième point, wa fi musnadi Ahmad wa sunan ad-Darqutni wal-Bayhaqi an Jabir radiyallahu anhu qala qala Abdullah ibn Rawaha lamma ba'athahu lamma ba'athahu sallallahu alayhi wa sallam li yahud Khaybar فخرص عليهم يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي فقلتم فقتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم سبحان الله. Allahu Akbar. Donc, ça c'est le hadith rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Ad-Darqutni, et également il est présent dans Sunan Al-Bayhaqi. Et qu'est-ce qu'il dit ce hadith? C'est rapporté selon Jabir radiallahu anhu. Il dit que Abdullah ibn Rawaha lorsque le prophète sallam l'a envoyé pour parler aux juifs de Khaybar, yani il leur a dit: ô assemblée de juifs, vous êtes les créatures qui sont les plus détestables pour moi. Vous avez tué les prophètes d'Allah et vous avez menti contre Allah, et ma haine pour vous ne me poussera pas à faire à votre égard de l'injustice contre vous, yani, ou à faire de l'injustice contre vous. Donc ça, c'est une parole, yani, de ce sahabi, hein, Ibn Rawaha, ici, yani, lorsqu'il a été envoyé aux juifs. Donc c'est pour dire que on doit faire preuve de justice et d'équité envers tout le monde, même envers nos ennemis, hein. Ensuite, le cheikh il dit: قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات بعد أن بين أنه لا أخوة بين مسلم وكافر، قال: ويجب على المسلم أن يعامل الكفار إذا لم يكونوا حربا للمسلمين معاملة إسلامية بأداء الأمانة وعدم الغش والخيانة والكذب، وإذا جرى بينه وبينهم نزاع جادلهم بالتي هي أحسن وأنصفهم في الخصومة، عملا بقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ويشرع للمسلم دعوتهم إلى الخير ونصيحتهم والصبر على ذلك مع حسن الجوار وطيب الكلام، لقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه: وقولوا للناس حسنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. انتهى كلامه. Donc le cheikh il termine ce principe avec une parole de Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah dans son livre Majmou' Fatawa wa Maqalat, le volume 6 à la page 494. Il explique, il dit: après avoir clarifié qu'il n'y a pas de fraternité entre le musulman et le kafir, il dit ensuite: et il est obligatoire aux musulmans d'interagir avec les kuffars, d'interagir avec les kuffars d'une manière islamique, et en respectant le dépôt, hein, en respectant le dépôt lorsqu'ils ne sont pas en guerre contre les musulmans, et de ne pas les tricher, de ne pas tricher contre eux, de ne pas les trahir et de ne pas leur mentir. Et il dit, s'il y a une dispute ou un désaccord entre eux et lui, eh bien, il doit argumenter et disputer avec eux de la meilleure manière, et être juste avec eux, et être juste avec eux dans la dispute et dans la discorde, bien, et dans le désaccord qu'il a avec eux, en agissant de la façon dont Allah nous ordonne de faire dans le Coran lorsqu'il dit: ne disputez pas avec les gens du livre, excepté de la meilleure manière, excepté ceux d'entre eux qui font preuve d'injustice, excepté les injustes d'entre eux. Et le cheikh il dit: il est également légiféré de les inviter au bien et de leur donner le bon conseil et de faire preuve de patience dans cela d'avoir un bon voisinage et des bonnes paroles envers eux, à cause de la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous dit dans le verset 12 dans Surat An-Nahl: invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux ou argumente avec eux de la manière qui est la meilleure, hein, billati hiya ahsan. Et il dit dans le verset 83 dans Surat Al-Baqara, يعني وقولوا للناس حسنا, c'est-à-dire dites du bien aux gens, dites, parlez aux gens d'une bonne manière. Et il dit, wa qawlun nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui indique à quelqu'un quelque chose de bien, il aura la récompense qui est équivalente à yani, celui qui a fait l'action. C'est-à-dire, si tu as montré à quelqu'un quelque chose de bien, comment faire quelque chose de bien, eh bien, tu auras la même récompense que le bien qu'il fait. Et il y a plein de versets et de hadiths à ce sujet-là. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui conclut le point numéro 11. Le point numéro 12, le Cheikh il dit أن الإسلام أمر بالإحسان إلى بعض الكفار من أهل الذمة لقرابتهم أو رحمهم وصيانة أعراضهم وأموالهم والدفاع عنهم. Et non, donc le Cheikh explique que l'islam يعني, a ordonné de faire preuve de bonté envers certains des kuffars parmi les gens du livre à cause d'un lien de parenté, hein, un lien de sang qu'il y a entre les musulmans et ces kuffars, et également de préserver leur honneur, leurs biens, et de les défendre. Donc ça, c'est des exemples qui nous montrent que c'est des choses qui nous ont été ordonnées par l'islam, de faire preuve de bonté envers ces catégories de personnes, et de ne pas faire... Et que cela n'est pas en contradiction avec al-wala wal-bara. Le cheikh il dit فقد روى مسلم والبيهقي في باب الوساط بأهل الذمة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيرات فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما فإن لهم ذمة ورحما. نعم. Donc le cheikh il mentionne un hadith ou il rapporte un hadith qui est rapporté يعني par l'imam Muslim et l'imam al-Bayhaqi dans le chapitre de qu'est-ce qui enjoint ou qu'est-ce qui nous a été enjoint vis-à-vis des gens de la dhimma, ahlul dhimma, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs qui vivent dans les pays musulmans. Et c'est rapporté selon Abu Dharr, radiyallahu anhu, qui l'a dit, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, vous allez conquérir des terres, des contrées, dans lesquels on mentionne al-qirat. Yani, al-qirat, c'est une mesure, une certaine mesure. Et les gens qui utilisent cette mesure, comme on va le voir, c'est yani, les gens, ou c'est une monnaie ou une mesure. Donc, yani, les gens qui l'utilisaient, c'était les gens de l'Égypte. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez conquérir une terre où on mentionne al-qirat. Donc, je vous enjoins d'agir avec bonté envers ses habitants, hein, parce qu'ils ont un serment et un lien de parenté, parce qu'ils ont un serment, une entente et un lien de parenté. Donc ça c'est un hadith ici qui est expliqué par les ulama comme l'imam al-Nawawi dans Sharh Sahih Muslim. Le volume 16 à la page 313, il dit wa fiha fa inna lahum dhimma wa rahima, dhimmatan wa rahiman, il dit aw qal dhimmatan wa suhran. Qal al ulama al qirat juz'un min ajza' al dinar wa al dirham wa ghayrihima, wa kana ahlu misr yuksiruna min istimalihi wa at-takallum bih. أما الذمة فهي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام. أما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم. أما الصهر فلكون ماريا أم إبراهيم منهم. Donc, le cheikh, l'imam al-Nawawi, Il explique ici que, yani, on mentionne al-dhimma et al-rahim. Donc le cheikh il explique al-dhimma et dans une autre narration al-dhimma wa-suhr. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le cheikh explique, il dit que al-qirat, les ulama ont expliqué que c'est une partie du dinar et du dirham. Donc c'est une coupure, une partie de ça. Donc c'est comme des petites pièces. Et on l'appelle, les gens de l'Égypte, ils disent, les gens de l'Égypte, ils l'utilisent beaucoup et ils le mentionnent beaucoup. En ce qui concerne al-dhimma, c'est al-hurma wal-haq. Donc al-dhimma, c'est yani, le droit et c'est le, yani, qu'est-ce qui est yani, sacré, qu'est-ce qui est respecté. Et ici, c'est dans le sens yani, des ententes. Des ententes et des engagements qui sont pris, et des pactes et de la protection. Donc il dit ici, Amma al-Rahim, qu'est-ce qui a rapport avec al-Rahim? C'est les liens de parenté. Et pourquoi il mentionne qu'il y a des liens de parenté? Il dit c'est parce que Hajar, la mère d'Ismaïl, faisait partie des Égyptiens. Donc la mère d'Ismaïl faisait partie des Égyptiens. Hajar était égyptienne. Et également, il y a As-Sahar, parce que Maria, Umm Ibrahim, faisait partie d'eux. Yani dans le sens que Maria, c'était une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, yani, il y a des liens de parenté, yani, parce que c'est yani, le fils de du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ibrahim qu'il a eu avec sa femme Maria qui était une copte et également une égyptienne. Donc ensuite le cheikh il explique, il dit قال ابن القيم في تحفة المولود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالقبط خيرا وقال إن لهم ذمة ورحما ذمة ورحما فإن السري فإن سرية الخليلين الكريمين إبراهيم نعم فإن سريتي الخليلين الكريمين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام كانتا منهم وهما هاجر وماريا فأما هاجر فهي أم إسماعيل أبي العرب فهذا الرحم وأما الذمة فما حصل من تسري النبي صلى الله عليه وسلم بمريا وإلادها إبراهيم وذلك ذمام يجب على المسلمين رعايته ما لم تضيعه القبط انتهى كلامه. Donc ici l'imam Ibn al-Qayyim il mentionne dans Tuhfat al-Mawlud les règles du nouveau-né. Dans ce livre il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des conseils envers les Coptes, yani les gens, les habitants de l'Égypte. Il nous a donné comme consigne d'agir avec bonté envers eux. Il dit parce qu'il y a avec eux des liens de parenté. Hein? Et il y a également une dhimma, hein? Des liens de parenté et de respect de parenté. Donc il faut les respecter pour ces raisons-là. Et il dit que les deux femmes qui étaient des femmes esclaves à la base, hein, des servantes, à la base, mais qui ont été mariés par deux des prophètes d'Allah, le prophète Ibrahim et le prophète Muhammad, qui sont les deux Khalil, hein, les deux amis d'Allah, hein, Ibrahim et Muhammad, alayhim as-salatu wa salam. Donc, tous les deux ont eu une servante qui était copte. Et Hajar, c'était yani, la servante d'Ibrahim et Maria qui était la servante du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Hajar, c'était la mère d'Ismaïl, le père des Arabes. Donc de là vient les liens de parenté, hein, Ar-Rahim, les liens de sang. Et en ce qui concerne Ad-Dhimma, c'est à cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu yani, une servante de la part du roi de l'Égypte à l'époque, et qui s'appelait Maria, et elle a eu un fils avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Ibrahim. Et donc, de là vient yani, le respect et la protection qui existe envers les peuples de Qibt, yani de l'Égypte. Naam. Et il dit, tant que les Égyptiens ne le, yani ne le rendent pas nul ou ne le perdent pas par leur comportement ou autre. Le point numéro, l'autre point qu'il a mentionné, le cheikh, c'est le point suivant. Rawa al-Bukhari fi bab yuqatilu an ahl al-dhimma wala yustaraqqun. قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة بعدي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله. ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته عند وفاته وأوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتلوا من ورائهم وأن يقاتلوا من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. وهذا امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه من حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود. فكان هذا في النصارى الذين أدوا إليه الجزية. انتهى كلامه. Donc ici, le point, le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam al-Bukhari qui dit dans le chapitre de combattre yani, pour ceux qui ont payé la yani, qui font partie des gens de la dhimma, c'est-à-dire ceux qui payent la jizya parmi les juifs et les kuffars qui vivent, les juifs et les chrétiens qui vivent dans les pays musulmans. Wala yustarqoun, yani, c'est-à-dire que dans le sens qu'on les prend pas comme des esclaves. Il dit que Omar radiallahu anhu, il a donné comme conseil au khalifa qui allait venir après lui de respecter l'engagement d'Allah et l'engagement de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de faire preuve yani de respect envers les engagements qui ont été pris envers ces gens-là, et de combattre, dans le sens de combattre pour les défendre, de leur donner une charge qui est plus grande que leur capacité, de pas leur donner une charge plus lourde que ce qu'ils sont capables de porter. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il explique ça dans le livre Al-Jawab al-Sahih, Liman Baddala Din al-Masih, le volume 1, la page 312. Il dit, ça c'est la justice que Allah et son messager ont ordonnée. Dans Sahih Muslim, c'est rapporté selon Omar ibn al-Khattab, qu'il a dit dans le discours qu'il a fait avant sa mort, yani, il a incité et rappeler et enjoint au khalifa qui allait venir après lui de respecter l'engagement d'Allah et l'engagement du messager sallallahu alayhi wa sallam, de respecter et de les respecter après, que ceux qui allaient venir après allaient respecter l'engagement et de combattre pour eux, c'est-à-dire pour les défendre, et de ne pas leur donner une charge plus lourde que ce qu'ils sont capables de porter. Et ça, c'est pour respecter et mettre en application la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par l'imam Abu Daoud dans son Sunan, lorsqu'il dit celui qui fait une injustice à un mu'ahad, c'est-à-dire un kafir qui est sous la protection d'une entente de paix, ou qui le diminue dans son droit, donc celui qui fait une injustice à un mu'ahad, ou qui le diminue dans son droit, ou qui lui donne une charge plus lourde que sa capacité, ou qui lui prend quelque chose sans que ce mu'ahad lui donne de bon gré, alors il dit je vais argumenter en sa faveur au jour de la résurrection. Je vais être avec lui pour argumenter en sa faveur, yani, au jour de la résurrection. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection va se mettre avec ce mu'ahad pour argumenter contre le musulman qui agit de cette façon-là avec lui. Donc le cheikh dit, donc ça c'était pour yani, les chrétiens qui donnaient ou qui payaient la jizya. Fin de la citation. Donc ça c'est le comportement que les musulmans adoptaient envers les gens du livre, parmi les gens de la dhimma qui payaient la jizya. Le cheikh il mentionne comme point numéro 3 que l'imam al-Tirmidhi, il dit rawa l'imam al-Tirmidhi wa Abu Dawud an Mujahid an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma zubihat lahu shatun fi ahlihi فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. Donc, le cheikh, il rapporte un hadith qui est rapporté par Tirmidhi et Abu Dawud selon Mujahid ibn Abdullah, selon Mujahid, que Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, on lui a amené de la viande de mouton, yani chez lui, on a égorgé un mouton, et donc, donc quand il est arrivé, il a dit, est-ce que vous avez donné de la viande de ce mouton à notre voisin, le juif? Est-ce que vous avez donné de la viande de ce mouton à notre voisin, le juif? Il a dit ensuite, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire que Jibril, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril est venu me donner des conseils envers le voisin. Il m'a conseillé envers le voisin à un tel point que j'ai cru qu'il allait en faire un des héritiers, ou une des personnes qui a droit à l'héritage de la personne. Subhanallah. Donc c'est pour dire à quel point Jibril il insistait, hein, à propos du voisin et de l'importance de faire preuve de bonté et de respecter les droits du voisin. Donc ça c'est rapporté par At-Tirmidhi. Il a dit c'est un hadith hasan gharibun min hadha al-wajh. Donc ça nous montre que même envers le Yahoud, envers les Juifs, yani, si on a des voisins juifs, il faut faire preuve de bonté envers eux. Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz dans Majmu' Fatawa wa Maqalat, le volume 6, à la page 494. Donc, il dit بعد أن بينا أنه لا أخوة بين مسلم وكافر ووجوب البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله قال ولكن لا يؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق إذا لم يكونوا حربا لنا ولكن لا يتخذهم أصحابا ولا إخوانا متى صادف أنه أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير صحبة ولا موالاة ولا مودة فلا بأس. ويجب على المسلم أن يعامل الكفار إذا لم يكونوا حربا للمسلمين معاملة إسلامية بأداء الأمانة إلى آخر ما ذكرنا من قبل يعني. Donc le cheikh il explique que Cheikh Ibn Baz il a rapporté dans le volume 6 à la page 494, après avoir dit qu'il n'y a pas de fraternité entre le musulman et le kafir et l'obligation de se désavouer des gens du shirk et de les détester en Allah, il dit mais il dit ne doit pas leur faire du tort et il ne doit pas les offenser ou leur faire du tort ou transgresser contre eux sans qu'il y ait un droit quelconque pour le faire, si ces gens-là ne font pas partie des gens qui sont en guerre contre nous. Mais par contre, on ne les prend pas comme compagnons, comme amis, comme frères. Yani, donc, si l'occasion se présente comme ça, et qu'il y a une occasion dans laquelle on mange, yani, ils sont là dans une fête, une walima, une invitation pour un mariage, ou il y a de la nourriture qui se présente, donc on agit avec eux comme il faut, et le cheikh dit toutefois on ne va pas les prendre comme amis, comme compagnons, ou de les aimer ou d'avoir de l'amour avec eux, de l'amour pour eux ou des choses comme ça, non, mais c'est correct de manger avec eux puis de parler avec eux, il n'y a pas de problème. Il dit il est obligatoire aux musulmans d'agir avec les koufars d'une manière islamique et de respecter le dépôt et l'engagement tant que ce ne soit pas des gens qui sont en guerre, et on n'a pas le droit de les tricher, de tricher contre eux ou avec eux, ou de les trahir ou de leur mentir, et la suite de ce qu'on avait lu au dernier point, c'est la même citation. Le point numéro 13, et ça c'est l'avant-dernier point par rapport à ce chapitre. Donc je pense qu'on va finir les 14 points, Inch'Allah, aujourd'hui. On va donc terminer le point numéro 6 et on va finir les 14 principes aujourd'hui, Inch'Allah. On va essayer d'aller plus rapidement pour terminer ça aujourd'hui. Donc le point numéro 13, le principe numéro 13, أن الإسلام الذي أمر بالبراءة من الكفار وعدم توليهم ولو كانوا من أقرب الناس كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أمر بإسداء المعروف والإحسان إلى الكفار في مواطن ولا تعرض في ذلك عند من رزق الفهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في القواعد الحسان القاعدة الثانية عشرة يعني قال ومن ذلك النهي عن كثير من الآيات النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم فهذه الآيات العامات من طرفين قد يوضحها الله غاية التوضيح فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله سبحانه وتعالى غاية التوضيح في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين والأمر بالإحسان والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. انتهى كلامه. Et non. Donc le cheikh explique que l'islam a ordonné de se désavouer des kuffars et de ne pas les prendre pour alliés ou de les aimer, même si ce sont les plus proches de nos parents ou des gens plus proches de nous. Et il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset 23 dans sourate At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères et vos frères comme alliés s'ils aiment, s'ils ont préféré la mécréance à la foi. Et quiconque les prend pour alliés, hein, ou les aime d'entre vous, alors ceux-là sont les injustes. Et le verset 22 dans sourate Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne trouveras pas un peuple qui aime, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier qui aime ceux qui opposent Allah et son messager, fussent-ils leur père, fussent-ils leur fils, fussent-ils leurs frères ou leur famille proche. Donc le cheikh il dit qu'on voit donc que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le bien et la bonté envers les kuffars dans d'autres versets dans le Coran, envers certains membres de la parenté et des choses de ce genre. Et il dit que celui qui a reçu la compréhension, il ne voit pas d'opposition ou de contradiction entre ces deux sortes de versets ou ces deux ordres dans le Coran. Il mentionne les paroles de l'imam Sa'di dans son livre Al-Qawa'id al-Hisan, la règle 12, à la page 23, selon l'édition. Le cheikh il dit وَمِنْ ذَلِكَ النَّهْيُ فِي كَفْ. Donc, parmi les exemples de ça, l'interdiction dans plusieurs des versets de prendre les kafirines, les kuffars pour alliés. Et dans d'autres versets, donc c'est ça, dans certains versets, l'ordre, yani, l'interdiction dans plusieurs versets de prendre pour allier les kuffars et l'interdiction de les aimer et d'avoir des liens avec eux. Et dans d'autres versets, l'ordre de faire preuve de bonté envers celui qui a un droit parmi nous, parmi eux, c'est-à-dire ceux parmi les koufars qui ont un droit sur la personne, et d'être un bon compagnon pour eux, et ainsi de suite, comme les parents. Donc si tes parents sont des koufars, Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de faire preuve de bonté envers eux et d'être un bon compagnon pour eux. Donc ça c'est des versets généraux, et Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué de façon claire comment comprendre ces deux aspects de ces deux deux catégories de versets là. Et il explique le verset 8 et 9 dans sourate Al-Mumtahana. Sourate Al-Mumtahana. Donc dans ces versets là Allah subhanahu wa ta'ala il nous explique les règles à suivre envers les kuffars. Il dit, Allah ne nous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion et chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion, et ceux qui prennent pour alliés c'est-à-dire ceux qui font la guerre aux musulmans, alors ceux-là sont les injustes. Donc le cheikh explique, il dit que l'interdiction c'est de les prendre pour alliés et de les aimer à cause de la religion, à cause de la religion. Donc c'est-à-dire tu aimes le kafir, d'aimer le kafir pour son kufr, pour son shirk, ou t'aimes sa religion. Donc si tu les prends pour alliés pour ceux qu'ils suivent, alors ça c'est quelque chose qui est en opposition avec l'islam, c'est quelque chose qui est en opposition avec la foi. Et donc ça c'est la base de l'interdiction, c'est pour ça, de les prendre pour alliés et de les aimer à cause de leur religion. Et l'ordre de faire preuve de bonté envers eux et d'être bon avec eux, ça c'est une bonté qui est ordonnée dans le but de la parenté, les liens de parenté qui existent, et non pas pour la religion. Dans le but des liens qui existent entre eux par rapport yani, aux liens qui nous rapprochent avec eux, ou bien parce que ce sont des êtres humains, donc d'être bon avec eux d'une manière qui ne vient pas en opposition avec la religion. Donc ça, c'est permis. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et le cheikh, il explique. Il dit, « وَلِذَلِكَ جَاءَ التَّرْخِيصِ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ الْوَجْهُ الْأَوَّلِ أَمْرَ بِمُصَاحَبَةِ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وصلة رحمهم والهدية لهم مما يدل على أن البراءة منهم تجتمع مع الإحسان والبر والصلة. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وروى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. وذكره البخاري في باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Donc le cheikh il commence à expliquer premièrement le premier point de vue yani dans lequel on a eu la permission d'agir avec bonté dans par rapport à les liens de parenté, des choses de ce genre. Il dit c'est permis de deux points de vue dans les exemples que le cheikh il mentionne. Premièrement, de faire preuve de bon compagnon, d'être un bon compagnon envers les proches, envers les parents, et d'agir bien avec eux, et de garder les liens de parenté, et de leur donner des cadeaux même. Donc ça c'est permis. C'est pas quelque chose qui est en opposition avec al-wala ou al-bara. Donc ça vient prouver que le fait de se désavouer d'eux, c'est quelque chose qui doit être en même temps avec de la bonté et le fait de garder les liens de parenté et aussi d'être bon avec eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 15 dans sourate Luqman. Il dit, et s'il essaie de te forcer à associer avec moi quoi que ce soit, et ce dont tu n'as aucune science, c'est-à-dire peu importe qu'est-ce qu'ils essaient de te faire associer à moi, c'est-à-dire de faire tomber dans le shirk, ou bien de faire tomber dans ce qui est haram, et ils veulent te faire associer à moi ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas, et agis, ou bien, mais agis avec eux avec bonté dans la dunya, d'une bonne manière. Donc tu les prends comme des bons compagnons dans cette dunya. Ça c'est le verset 15 dans sourate Luqman. Et les deux cheikhs, Al-Bukhari et Muslim, nous ont rapporté selon Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha que le messager lorsque la mère de Asma est venue la voir, elle a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alhamdoulilah, elle a dit ma mère est venue me voir et c'est une mushrika, est-ce que donc il dit ça c'était à l'époque où il y avait une entente avec les gens de Quraysh. Donc la mère de Asma elle est venue, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma mère est venue me voir, donc est-ce que je dois agir avec elle, est-ce que je dois lui donner quelque chose, est-ce que je dois, yani comment je dois agir avec elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, garde les liens de parenté avec ta mère et yani, garde, donne-lui si elle a besoin, des choses comme ça. Et donc ça c'est rapporté dans Al-Bukhari, et le chapitre de l'imam Al-Bukhari dans son Sahih à ce sujet ici, c'est le titre, c'est le cadeau qu'on donne aux mushrikines, et la parole d'Allah du verset qu'on a lu tout à l'heure dans Surat Al-Mumtahana, le verset 8 le verset 8 et 9. Donc il a cité ce verset là comme preuve. Ensuite il dit, وقال القرطبي قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة الآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit, dans, il mentionne la parole de l'imam Al-Qurtubi dans son tafsir Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an, le volume 14 de la page 65. Il dit que la parole d'Allah lorsqu'il dit « وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ » c'est-à-dire « et soit un bon compagnon pour eux dans la dunya », il explique que ce verset-là c'est la preuve qu'il faut garder les liens de parenté avec les parents qui sont mécréants, et avec ce qui est possible comme bien, c'est-à-dire tu leur donnes qu'est-ce que tu peux de ton argent ou des biens que tu possèdes si ces deux parents sont pauvres. Et également de faire preuve de douceur dans la parole et d'invoquer. Donc c'est ça. Donc de les aider financièrement s'ils sont pauvres et de leur parler avec douceur. C'est-à-dire de les inviter à l'islam avec douceur. Donc ça c'est la fin de la parole de l'imam Al-Qurtubi. L'imam Al-Bahawi il dit dans Ma'alim Al-Tanzil dans son tafsir, il dit وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ أي بِالْمَعْرُوفَ وَهُوَ الْبِرْ وَالسِّلَى وَالْعِشْرَ الْجَمِيلَ. Donc le cheikh il dit que l'imam Al-Bahawi dit dans son tafsir que صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ, ça veut dire يعني, d'agir avec eux d'une bonne manière, hein, en gardant les liens de parenté et d'agir d'une belle façon avec eux. Fin de la citation. قال القاضي عياض في شرح الحديث إكمال المعلم وفيه جواز صلة المشرك ذوي القربة أو ذي القرابة والحرمة والذمام وأمها المذكورة يعني وأمها المذكورة قتلت ابنة عبد العزة العارمية القرشية ويقال قتيلة أو قتيلة. قتيلة مصغرا وكلاهما بتاء باثنتين فوقها يعني وقيل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية. انتهى كلام. Donc القاضي عياض il explique ici que dans le sharh du hadith de Asma dans son livre Ikmal al-Muallim, le volume 3, la page 523, il dit qu'il y a la permission ici de garder les liens de parenté avec le mushrik s'il y a yani des liens de parenté, et ou bien il y a yani une entente ou un serment ou quelque chose comme ça. Et il dit ici que sa mère, son nom c'est Qatla bint ibnatu Abdul Uzza al-Amiriya al-Qurashiya, et on l'appelle également Qutayla. Yani Qatla ou Qutayla. Et les deux sont donc avec le ta, en tout cas il explique comment prononcer le nom et tout. Et après il mentionne à son sujet le verset qu'on a lu dans Surat al-Mumtahanah, verset 8 et 9. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Donc c'est pas expliqué que ce verset-là s'applique à cette personne-là. Et la deuxième, le deuxième point de vue dans la compréhension de ces principes-là, il dit قال عن عموم الكفار لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر رضي الله عنه بحلة سيراء، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، ذكره البخاري وكذلك في الباب المذكور آنفا وهو باب الهدية للمشركين. Donc le cheikh il rapporte comme deuxième point envers les kuffars en général, c'est-à-dire ceux qu'on a expliqué qu'on doit faire preuve de bonté envers les kuffars qui ont une lien de parenté. Maintenant la bonté envers les kuffars en général, et il utilise également le même verset, verset 8 surat al-mumtahana, hein, que Allah ne vous interdit pas de faire preuve de bonté et d'être juste envers ceux parmi les koufars qui ne vous combattent pas pour la religion et qui ne vous expulsent pas de vos demeures. Yani, et il dit Allah aime les justes. Donc ça c'est, et il rapporte ensuite selon Al-Bukhari Muslim, selon Ibn Omar radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé yani un vêtement à Omar radiyallahu anhu, et Omar il l'a envoyé à un de ses frères parmi les gens de Mecca avant qu'il se convertisse à l'islam. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans le chapitre qu'on a mentionné précédemment, qui s'intitule de donner des cadeaux aux mushrikines. Donc c'est permis de donner des cadeaux aux mushrikines et d'agir avec bonté envers eux. Il dit قال الطبري في تفسيره وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنا بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتقسطوا إليهم لأن الله عز وجل عم بقول الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صفته فلم يخصص به بعضا دون بعض. Donc le cheikh explique que l'imam al-Tabari dans son tafsir, volume 12 à la page 43, il dit que la parole la plus correcte dans l'interprétation de cette parole, dans le verset 8 de Surat al-Mumtahana, c'est celle qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire par le verset « Allah ne vous interdit pas » Allah ne vous interdit pas ceux qui ne vous combattent pas pour la religion, c'est-à-dire de toutes les catégories de religion et de voies, d'être bon et d'être juste envers eux, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit de façon générale ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Donc ça comprend tous ceux qui rentrent dans cette description, et il n'y a pas eu d'exclusion ou de mention de catégories spécifiques. Donc il n'y a pas un groupe d'entre les koufars qui sont exclus en dehors des autres par rapport à cette ordre là. C'est de façon générale d'être bon et d'être juste envers tous les kuffars sans exception. Le cheikh il dit ensuite قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول وذكر قصة قتل أبي جهل والقصة مشهورة في فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسجوده شكرا وقوله هذا فرعون هذه الأمة وهذا مع نهيه عن قتل أبي البختري ابن هشام مع كونه كافرا غير ذي عهد لكفه عنه وإحسانه بالسعي في نقض صحيفة الجور ومع قوله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا يعني الأسرى لا أطلقتهم له يكافئ المطعم بإجارته له بمكة والمطعم غير معاهد فعلم أن مؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين إهلاكه والانتقام منه بخلاف الكافي عنه وإن اشترك في الكفر كما كان يتكافأ المحسن إليه بإحسانه وإن كان كافرا. نعم. Donc le cheikh explique que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans As-Sarm al-Maslul, volume 2 à la page 314, il mentionne l'histoire de la mort de Abi Jahl lorsqu'il a été tué. Donc il dit l'histoire elle est célèbre et la mention de la joie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de sa mort et qu'il a fait une prosternation de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala lors de sa mort et qu'il a dit celui-là est le Fir'aun de cette umma. Celui-là est le Fir'aun de cette umma comme c'est rapporté par Ahmad et At-Tabarani dans Al-Mu'jam Al-Kabir selon Ibn Mas'ud et c'est une parole qui est attribuée à à Ibn Mas'ud, c'est-à-dire que c'est Ibn Mas'ud qui le rapporte, mais la chaîne n'est pas continuelle. Il y a une coupure dedans. Donc il dit وَهَذَا مَعَنَهِيَ عَنْ قَتْلِ أَبِي الْبُخْتَرِي Ibn Hisham. Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer Abi al-Bukhtari, Ibn Hisham, parce que c'était un kafir, malgré que c'était un kafir qui n'était pas protégé par une entente de paix, mais étant donné qu'il a fait preuve de bonté envers le musulman et envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il s'est abstenu de participer au boycott de Quraysh contre les musulmans et qu'il a fait des efforts pour annuler justement l'appel au boycott des mouchriquins, donc à cause de ça donc il n'a pas agi de la même manière qu'avec Abu Jahl. La même chose aussi pour Al-Mut'im ibn Adi, c'était un mouchrik, mais il a défendu et protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse rentrer à Mecca lorsqu'il est revenu de Taif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, si Al-Mut'im ibn Adi était vivant et qu'il m'avait parlé en faveur de ces prisonniers, ceux qui ont été prisonniers dans la bataille, je les lui aurais remis, c'est-à-dire je lui aurais donné ces prisonniers-là, je lui aurais remis. Et il dit donc que Al-Mut'im, il aurait agi ainsi avec Al-Mut'im dans le but de lui remettre un bien qu'il lui a fait lorsqu'il est rentré à Mecca sous sa protection. Malgré que Al-Mut'im n'était pas sous une entente de paix. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah, il conclut alors qu'on sait donc que celui qui fait du tort et qui offense le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est une obligation de se venger de lui et ainsi de suite, contrairement à la personne qui s'abstient et qui ne le fait pas, même s'ils sont tous les deux réunis par le coffre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récompense le bien pour sa bonté, même si c'est un kafir. Donc il fait preuve de bonté envers le kafir, même si pour la bonté que le kafir lui a montré, même si c'est un kafir, yani il remet le bien pour le bien. Et le cheikh il mentionne après يعني الإمام لبارد الإمام ابن القيم الجوزية الذي وعقد ابن القيم في أحكام أهل الذمة فصلا في حكم أوقاف أهل الذمة ووقف المسلم عليهم مبينا أن الصدقة جائزة على مساكين أهل الذمة والوقف صدقة فذكر الآية ثم قال فإن الله سبحانه وتعالى لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بينهم وبينهم توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها وأنه لم ينهى عن ذلك بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة انتهى كلامه. Donc le cheikh explique dans les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Ahkam Ahl al-Dhimma, le volume 1, la page 301, il y a un chapitre au sujet du verdict. Au sujet du verdict des awqaf, des gens de la dhimma, et le waqf que le musulman fait pour les gens de la dhimma, et que ça fait partie de la sadaqa que c'est permis de faire envers les pauvres parmi les gens des chrétiens, des juifs qui vivent sous les conditions de l'islam dans les pays musulmans, et que al-waqf ça fait partie de la sadaqa. Donc on a le droit de faire une sadaqa aux gens du livre, yani parmi les gens de la Zimma. Et il dit, وقال, donc l'imam Ibn al-Qayyim, il dit après, que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a mentionné l'interdiction au début de la surah, au début de al-Mumtahana, est-ce que c'est al-Mumtahana? Oui, je pense que c'est al-Mumtahana. Donc au début de Surat al-Mumtahana, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'interdiction de prendre les koufars pour alliés. Les musulmans n'ont pas le droit de prendre les koufars pour alliés. Et de couper les liens d'amitié ou d'amour qui existent entre les musulmans et les koufars. Mais certains ont pensé que le fait de leur montrer de la bonté ou d'être bon envers eux, que ça fait partie aussi de l'amour ou de... du fait d'avoir de les prendre pour alliés. Certains ont pensé ça, ils ont cru que c'était la même chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans le verset 8 que cela ne fait pas partie de al-muwalat, qui est interdit. Hein? Et que, yani, que ça n'a pas été interdit. C'est-à-dire de leur faire preuve de bonté et d'agir bien avec eux. Ça, c'est pas ça ne fait pas partie de al-muwalat qui a été interdite. Et ça fait partie de al-ihsan. Et ça fait partie de l'ihsan que Allah aime et qu'il a créé et qu'il a ordonné à toute chose. Hein, il a prescrit cette bonté-là dans toute chose. Donc, qu'est-ce qui est interdit? C'est uniquement d'aimer les kuffars et de les prendre pour alliés, hein, et d'avoir de l'amour envers eux. C'est ça qui est interdit. Mais pas de leur faire preuve de bonté. Donc ça c'est la fin de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim. قال الخرافي في كتابه الفروق تحت فصل الفرق بين الأمر بعدم ولاية الكفار والأمر ببر أهل الذمة منهم والإحسان إليهم. عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم لأنهم في جوارنا وفي خفاراتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله ودين الإسلام. لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله وذمة رسوله ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله وذمة دين الإسلام سبحان الله وذلك وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإجماع أنه من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم كالراع والسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة تعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع وصار من قبل ما نغي عنه في الآية وغيرها انتهى كلامه. Donc l'imam Al-Qurafi ici il explique dans son livre Al-Furuq le volume 1 la page 15 vraiment c'est une explication vraiment détaillée. Il explique la différence entre l'ordre de ne pas prendre les koufars pour alliés et l'ordre d'être bon envers les gens de la Zimma parmi eux et d'agir avec bonté envers eux. Donc il explique ça en disant que l'entente de protection qui est prise avec les gens du livre qui vivent parmi les musulmans et qui payent la jizya, ça nous oblige à respecter des droits qu'ils ont sur nous. Parce que ils sont sous notre protection et ils sont sous notre entente. Ils sont sous l'entente d'Allah, l'entente du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont également sous l'entente de la religion de l'islam. Donc celui qui transgresse contre eux, même avec une seule mauvaise parole, ou qui fait de la médisance contre l'honneur de l'un d'entre eux, ou une forme parmi les formes d'offense, ou qui aide ou qui aide quelqu'un d'autre à faire cela, alors celui-là il a négligé ou il a délaissé l'entente d'Allah, l'entente du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et l'entente de la religion de l'islam. Donc c'est comme s'il avait abandonné et perdu l'entente d'Allah et l'entente du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'entente de la religion de l'islam. Donc comme s'il avait trahi en fait. Et il dit que l'imam Ibn Hazm il a mentionné dans Maratib al-Ijma' que celui qui est sous la protection des musulmans et que les gens des gens qui sont en guerre contre nous viennent dans notre pays et ils veulent prendre cette personne ou tuer cette personne qui est sous notre protection parmi eux, il est obligatoire pour nous de sortir pour les combattre avec les armes et de mourir pour protéger cette personne qui est sous la protection d'Allah, la protection du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si on leur rendait cette personne, on aurait négligé l'entente de protection. Il dit إذا كان عهد الذمة, donc si la dhimma elle a cette importance là, alors il est obligatoire pour nous d'être bon avec eux dans toutes choses tant que cela ne signifie pas qu'on leur montre de l'amour du cœur ou qu'on exalte ou qu'on respecte les symboles de la mécréance tant que ça n'amène pas à une de ces deux choses là ou parmi les choses tant que ça n'amène pas à ces deux choses-là qui sont interdites, donc et que ça ne devient pas ou que ça rentre pas ou que ça ne devienne pas des exemples de ce qui a été interdit par ce verset ou d'autres versets semblables. Donc tant que ça ne devient pas de l'amour du cœur pour les kuffars ou du respect envers les symboles de la mécréance et du kuffre, dans ce cas-là, c'est permis. Le cheikh, il explique, il dit, « قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » يعني قال في تفسيره أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين ولإخراجكم من دياركم فليس عليكم جناح أن تصلوهم فإن صلتهم في هذه الحالة محذور في لا محذور فيها ولا مفسدة كما قال تعالى عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلما وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أما يعني بركم وإحسانكم الذي ليس بتول للمشركين ولم ينهاكم الله عنه بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Donc le cheikh explique le verset 8 dans surat Al-Mumtahana. Dans son tafsir, il dit, l'imam al-Sa'di, Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, il explique que Allah ne vous interdit pas la bonté et de garder les liens de parenté avec les kuffars, ou de remettre le bien aux kuffars pour le bien qu'ils vous ont fait et de faire preuve de justice envers les mushrikines parmi vos proches et ou autres, parmi vos proches ou autres. Et que du fait que tant qu'ils n'ont pas déclaré la guerre à la religion et qu'ils ne sont pas, ils ne vous ont pas expulsé de vos demeures, donc dans ce cas-là, il n'y a aucun mal à garder les liens de parenté avec eux, parce que le fait de garder les liens de parenté avec eux, dans ce cas-là, il n'y a aucun mal et aucun méfait relié à cela. Et il mentionne au sujet des deux parents qui sont mushrikines, alors que leur enfant est musulman, il mentionne le verset dans Sourate Luqman, et si ils te forcent à associer avec moi ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais prends-les, agis avec eux d'une bonne manière, sois un bon compagnon pour eux dans la dunya. Il leur ordonne donc, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne donc d'être bon et d'avoir de la bonté. Et que ça fait pas partie de prendre les mushrikines pour alliés, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas interdit d'être bon et d'être juste envers eux. Et ça rentre dans le sens général de l'ordre de faire preuve de bonté envers les proches et envers les fils d'Adam. En général, Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué que cela n'entre pas dans ce qui est haram dans le verset 8. Dans Surat Al-Mumtahana, Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Et Allah aime certes ceux qui sont justes. Donc ça c'est ce qui vient conclure le point numéro 13, ou le principe 13. Maintenant il reste le principe 14. Inch'Allah on va essayer de le lire. Le cheikh il termine avec le point numéro 14. Al-Islam alladhi ja'a bi wujubi bughd al-kuffar wa tahrim mawaddatihim hein, كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا يحكم بخروج المسلم من الإسلام إذا وجد في قلبه شيئا من المودة أو الرحمة تجاه أحد الكفار إذا كان ذلك لغير عقيدتهم ودينهم وإن كان ذلك قد يكون محرما. Donc le cheikh explique que l'islam qui nous ordonne de détester les kuffars, qui nous interdit de les aimer, comme Allah le dit dans le verset 22 dans sourate Al-Mujadala, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime ceux qui opposent Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou leur famille. Eh bien, l'islam qui ordonne ça n'a pas jugé que le musulman sort de l'islam s'il trouve en lui-même, dans son cœur, de l'amour ou de la miséricorde envers un d'entre les kuffars, si cet amour ou cette miséricorde envers eux est pour autre que la aqidah et pour autre que leur religion, même si il se peut que cela soit interdit. Mais ça ne veut pas dire que le musulman, s'il aime le kafir pour autre que la religion, que ce soit quelque chose de kouf qui le fasse sortir de l'islam. Hein, donc il faut faire la distinction entre le fait d'aimer le kafir pour la religion, pour son kouf, pour son shirk, et être d'accord avec le kouf et le shirk qu'il a, soit dans la religion ou dans les idéologies qu'ils ont. Donc ça fait sortir de l'islam, parce que tu les aimes pour le kouf et pour le shirk. Mais si tu l'aimes, le kafir, pour quelque chose autre que la religion, autre que le kouf, autre que le shirk, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que le musulman il sort de la religion. Même si c'est peut-être quelque chose de haram, on ne dit pas que c'est halal ou que c'est permis de le faire, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il devient kafir. Donc le cheikh il explique, il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا وينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة كما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك فقال لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله فقال لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله قالت عائشة كان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا فكان متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها انتهى كلامه. Donc ici Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa le volume 7 à la page 523, il dit que il peut arriver qu'un homme aime les kuffars pour les liens de parenté qu'il a avec eux ou pour un besoin quelconque, et dans ce cas-là c'est un péché qui fait diminuer sa foi, il ne devient pas mécréant pour ça. Donc ça c'est l'explication de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, que c'est possible qu'un musulman aime un kafir pour autre chose que sa religion, et que ça fait que ça le fasse pas sortir de l'islam, ça le fait uniquement diminuer dans sa foi, et que c'est un péché de le faire. Il donne l'exemple de Hatib ibn Abi Balta'a qui a écrit aux mushrikines leur donnant des informations au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah a fait descendre à son sujet le verset 1 dans sourate Al-Mumtahana, ô vous qui avez cru. Donc Allah s'adresse à lui en tant que croyant. Ya ayyuhallazina amanu, ne prenez pas, hein, c'est-à-dire Allah parle de révèle ce verset-là en s'adressant aux croyants, donc ça implique que Hatib n'est pas un mécréant. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme un allié, leur offrant l'amitié. Donc ici c'est l'explication de ce verset-là dans l'exemple de Hatib ibn Abi Balta'a. Et il dit comme cela est arrivé également à Sa'd ibn Ubada lorsqu'il a défendu Ibn Ubay dans la question de Al-Ifk, l'histoire du mensonge qui avait été inventé contre Aïcha radiallahu anha. Donc, il a dit à Sa'd ibn Mu'aza, tu as menti par Allah, ne le tue pas, tu ne peux pas le tuer. Et Aïcha radiallahu anha a dit, avant cela c'était un homme pieux, mais il a été pris par Al-Hamiyya, les liens de parenté ou les choses comme ça. Et ça, c'est pour ça que la Shubha a fait en sorte que Omar parle de Hatiban en disant hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il a interprété son action, et c'est pour ça qu'il l'a appelé Munafiq à cause de la Shubha de ce qu'il avait fait. C'est-à-dire l'acte de Hatib, il y avait une Shubha dedans. Parce que ça pourrait être le fait que Hatib envoie des informations au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux mushrikin, parce qu'il aime les mushrikin et parce qu'il aime le shirk, et que il veut informer les mushrikin des plans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est que il le fait parce qu'il veut protéger sa famille contre les gens de Quraysh, et que les autres sahaba, ils avaient des proches à Mecca qui protégeaient leurs biens et qui défendaient leurs proches, tandis que lui, étant donné qu'il ne faisait pas partie des gens de Quraysh à la base, ou qu'il n'était pas parmi les gens qui avaient de l'importance à Mecca, donc il n'avait personne pour défendre ses biens et sa famille. Et donc il a fait ça pour obtenir un service de leur part. Et ça, c'est l'autre possibilité. Et lorsqu'il a dit lorsque Hatib s'est expliqué, il a expliqué que c'était pour ça qu'il avait fait, et non pas pour la mécréance ou des choses comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ça de sa part, à cause des signes, à cause des preuves, et en même temps, parce que en même temps, c'est un sahabi qui a fait partie des gens de Badr, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour expliquer que c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam. قال ابن العربي في أحكام القرآن المسألة الثالثة قوله تعالى تلقون إليهم بالمودة يعني في الظاهر لأن قلب حاطب كان سليما بالتوحيد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أما صاحبكم فقد صدق وهذا نص في سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده انتهى كلامه. Donc le cheikh explique dans la parole de l'imam Ibn al-Arabi dans son tafsir Ahkam al-Qur'an, le volume 4 à la page 1183, la question numéro 3 qui est expliquée dans cette partie à propos du verset 1 en sourate al-Mumtahana, vous leur offrez l'amour, et ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi pour allier, leur offrant l'amitié ou l'amour. Il explique l'imam Ibn al-Arabi ici, il dit, c'est-à-dire en apparence, parce que le cœur de Hatib était propre avec le tawhid. Et la preuve de ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sahaba lorsqu'il a dit, en ce qui concerne votre compagnon, il a dit vrai. Et ça, c'est une preuve, un texte clair au sujet du cœur de Hatib qui était propre et pur dans sa croyance. Fin de la citation. Le cheikh il dit ensuite, بل ربما وجد في قلب المسلم شيء من الميل الطبيعي الجبلي دون الدين لكافر بسبب قرابة أو رحم فيكون ذلك مع بغض دينه لا يؤاخذ الإنسان به كما لو تزوج مسلم بكتابية فأحبها المحبة الجبلية التي بين الزوج وزوجته كما قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال ابن كثير في تفسير القرآن عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وجعل منها زوجها ليسكن إليها أي ليألفها ويسكن بها ويسكن بها كقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فلا ألفة بيني وبين روحين أعظم مما بين الزوجين ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه انتهى كلامه توصل نعم ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه انتهى كلامه donc le cheikh explique que même il se peut que dans le cœur du musulman il y ait cette attirance ou ce penchant naturel hein, et qui fait partie de sa nature yani qui est naturelle yani sans que ce soit pour la religion envers un kafir qu'il a un penchant naturel envers le kafir non pas pour la religion mais à cause du non pas à cause de la religion mais à cause d'un lien de parenté ou à cause de yani un lien de sang et yani à cause de ça yani il a cette ce penchant là cette attirance là mais toutefois il déteste sa religion hein il déteste sa religion et dans des cas comme ça quelqu'un n'est pas blâmé et le cheikh explique il dit c'est comme si un musulman il épouse une chrétienne ou une juive il aura une attirance ou un amour naturel yani une attirance ou un amour naturel qui existe entre un homme et son épouse et ça c'est pas quelque chose qui pour lequel on blâme quelqu'un comme Allah mentionne dans le verset 21 dans sourate Ar-Rum dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et parmi ces signes il y a que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour vous de vous et pour vous des épouses pour qu'ils demeurent en tranquillité auprès d'elles et qu'il a mis entre vous l'amour et la miséricorde il y a en cela des signes pour ceux qui réfléchissent Ibn Kathir il explique que lorsqu'il mentionne qu'il a fait pour de vous et pour vous une épouse pour que vous restiez en tranquillité avec elle yani pour qu'il reste auprès d'elle en tranquillité c'est-à-dire hein, qu'il y aura de l'attirance entre les deux et de l'affection et de la tranquillité et il dit et parmi ces signes il a créé pour vous et de vous-même et pour vous-même des épouses pour que vous restiez auprès d'elle en tranquillité hein, et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde et il dit il n'y a pas d'attirance ou de lien plus fort que les liens entre les deux époux et c'est pour ça que yani le sorcier hein, peut-être qu'il arrive à, avec ses ruses à essayer de séparer ce lien-là entre un homme et son épouse. Donc ça, c'est la fin de la citation ici. Donc c'est posé que ce lien-là, c'est naturel. Il n'y a pas de blâme pour un musulman d'avoir ce lien-là avec son épouse si elle est chrétienne ou juive, tant qu'il déteste sa religion et son kufr et son shirk. Il dit « وَقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا أَنَّ الشَّفَقَةَ عَلَى الْكَافِرِ لِقَرَابَتِهِ وَلِإِحْسَانِهِ لَا تُنَافِي الْإِيمَانِ لا تنافي الإيمان كما تنافي النبوة كما لم تنافي النبوة حين وقعت من علية الأنبياء لكونها بشرا فنوح عليه السلام قال إن ابني من أهلي وقال إبراهيم عليه السلام يقول لله يوم القيامة كما روى البخاري يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم القيامة يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد وقال ومحمد صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي وزاد أحمد فدمعت عيناي رحمة لها من النار فنهي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار ولم ينهى عن البكاء والبكاء والشفقة لا يكونان إلا من ميل قلبي جبلي لا يؤاخذ عليه الإنسان. On va traduire cette partie. Le cheikh explique qu'il y a également, on a parlé de, dans les cours précédents, au début du livre, on a parlé de l'affection qui existe à cause des liens de parenté envers le kafir et de la bonté, et que cela ne vient pas en opposition avec la foi, comme ça ne vient pas nier non plus ou opposer yani la prophétie, puisque c'est arrivé de la part des grands parmi les prophètes, hein, parce que ce sont des êtres humains, comme l'exemple de Nuh alayhi salam, lorsqu'il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 45 dans sourate Hud, il dit inna ibni min ahli, c'est-à-dire mon fils fait partie de ma famille, hein, c'est-à-dire que lorsque son fils s'est noyé avec ceux qui se sont noyés, yani Nuh a dit mon fils fait partie de ma famille, c'est-à-dire il a dit, en voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il avait promis de sauver sa famille, et le prophète Nuh alayhi salam, il a dit mon fils fait partie de ma famille, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu en disant il n'est pas de ta famille, c'est une mauvaise œuvre, hein, c'est-à-dire qu'il n'était pas parmi les croyants. Donc il a mentionné que il n'est pas de sa famille à cause de ça. Et il a mentionné les paroles de Ibrahim alayhi salam au jour de la résurrection, comme c'est rapporté par Al-Bukhari. Il dit ici que Ibrahim va dire ô Seigneur, tu m'as promis que tu n'allais pas m'humilier au jour de la résurrection. Et quelle plus grande humiliation que celle de voir mon père, hein, mon père qui est éloigné et tout. Et on avait mentionné que à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il allait transformer son père en un bouc ou quelque chose comme ça, un animal, et il allait le jeter dans une hyène. Il allait le transformer en une hyène et il allait le jeter dans l'enfer. De cette façon, pour que Ibrahim alayhi salam n'ait pas cette tristesse-là en lui-même de voir son père jeté dans l'enfer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionne également, c'est rapporté par l'imam muslim, lorsqu'il a visité la tombe de sa mère et qu'il a pleuré et qu'il a fait pleurer ceux qui étaient autour de lui. Et il a dit, j'ai demandé la permission à mon Seigneur de demander pardon pour elle, et il n'a pas permis de demander pardon pour elle. Et j'ai demandé la permission de visiter sa tombe et il m'a permis de visiter sa tombe. Donc ça c'est un exemple. Le cheikh il dit que l'imam Ahmad a rajouté à ce hadith que ses yeux ont laissé des larmes couler par miséricorde pour elle, hein, du fait qu'elle est dans l'enfer. Et ça c'est rapporté dans la Musnad. Et il a été interdit de demander pardon pour elle, mais cela ne l'a pas empêché de pleurer. Et le fait de pleurer et d'avoir de l'affection, c'est pas quelque chose qui, c'est quelque chose qui vient par un penchant naturel et quelque chose qui a un rapport avec un penchant dans le cœur. Et ça, c'est la preuve qu'un être humain n'est pas blâmé pour ça, parce que c'est quelque chose qui est naturel dans l'être humain. Et le cheikh explique, il dit وقسم بعض الباحثين المعاصرين حب المسلم للكافر الى ثلاثه اقسام فقال ذلك ان الحب القلبي لغير المسلمين ليس شيئا واحدا فمنه ما ينقض الولاء والبراء من اساسه ويكفر صاحبه بمجرده ومنه ما ينقص الولاء من الولاء والبراء ما ينقصه ومنه ما ينقص من الولاء والبراء ولا ينقضه نعم فيكون معصية تنقص الإيمان ولا تنفيه ومنه ما لا يؤثر في كمال الإيمان وفي معتقد الولاء والبراء لكونه مباحا من المباحات أما الحب القلبي الذي ينقص الولاء والبراء وينفي أساس الإيمان فهو حب الكافر لكفره وأما الحب القلبي الذي لا يصل إلى أحد إلى حد النقد لكنه ينقص أو ينقص الإيمان ويدل على ضعف في معتقد الولاء والبراء فهو محبة الشخص لفسقه أو لمعصية يقترفها فهذا إثم ولا شك ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر لكونه لا ينافي أصل الإيمان إذ لا يزال في المسلمين من يحب المعاصي ويقترفها ولم يكفر أحد ولم يكفرهم أحد من أهل السنة وهذا الحب قد يكون كبيرا من كبائر الذنوب يعني وقد لا يكون كذلك بحسب حال المحبوب ومعصيته فمن أحب محبوبا لارتكابه الكبائر فهذا الحب كبيرة كبيرة ومن أحبه لصغيرة يرتكبها فلا يزيد إثمه على إثم من ارتكبها وهذا التقرير واضح الالتئام وبين المأخذ بحمد الله تعالى. Donc on va commencer par traduire cette partie-là, Inch'Allah, pour comprendre. Ici, c'est très intéressant ce que le cheikh il dit. Il dit que certains chercheurs contemporains, parmi les gens qui écrivent au sujet de la Aqida, ils ont expliqué que l'amour du musulman envers le kafir, il peut être divisé en trois catégories. Premièrement, l'amour du cœur pour le kafir, c'est pas une seule chose. C'est pas une seule catégorie. C'est pas une seule catégorie. Il y a une catégorie qui détruit complètement al-wala wal-bara à partir de la base et qui fait que la personne qui a cet amour-là devient kafir. Et il y en a une autre catégorie d'amour pour le kafir qui diminue al-wala wal-bara mais qui ne le détruit pas. Donc c'est un péché comme qui diminue la foi, mais qui ne nie pas complètement la foi. Et il y a une autre catégorie qui n'a pas d'effet sur la perfection de la foi et sur la aqida de al-wala wal-bara, parce que ça fait partie des choses qui sont permises. Donc le cheikh explique maintenant en détail. Il dit, en ce qui concerne l'amour du cœur pour le kafir, qui détruit la al-wala wal-bara et qui annule le fondement de la foi, c'est lorsque quelqu'un aime le kafir pour son kufr. En ce qui concerne l'amour du cœur pour le kafir qui n'arrive pas au degré ou à la limite de l'annulation complète de la foi, mais qui diminue quand même la foi et qui montre en même temps une faiblesse dans la croyance en al-wala wal-bara, c'est lorsque quelqu'un aime une autre personne pour son péché ou pour sa perversité ou pour un péché qu'il fait. Donc ça c'est un péché, il n'y a pas de doute. Et il dit que cela n'arrive pas au degré du kufr. Et parce que il dit ça ne nie pas le fondement, la base ou le fondement de la foi. Puisqu'il y a toujours des musulmans parmi les gens, il y en a toujours parmi les musulmans qui aiment certains péchés et qui les font. Donc les gens de Ahlus Sunna ne vont pas déclarer kafir celui-là. Celui qui aime quelqu'un par rapport à un péché ou quelque chose comme ça. Donc, le cheikh explique que cet amour, ça peut être pour un grand péché parmi les grands péchés. Et ça se peut également que ce ne soit pas pour un grand péché. Ça se peut que... Donc, le cheikh, il dit, selon l'état de la personne qui aime et selon le péché, selon l'état de la personne qui est aimée et de son péché, c'est ça qui fait en sorte que le degré de péché diminue ou grandit. Si la personne qui est aimée pour un grand péché, donc dans ce cas-là, cet amour-là, c'est un grand péché. Et si la personne qui est aimée pour un petit péché qu'il a fait, donc dans ce cas-là, le péché de cette personne qui aime n'est pas plus grand que le péché qui a été commis. Il dit, et ça, c'est quelque chose qui est clair et qui est bien clarifié, alhamdulillah. Il dit ensuite, وَأَمَّا الْحُبْ الْمُبَاحِ الْحُبْ الْمُبَاحِ فَهُوَ الْحُبْ الطَّبِيعِ وَهُوَ الْخَارِجُ عَمَّا سَبَقْ كَحُبِّ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ الْكَافِرِ أو الْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ الْكَافِرَيْنِ أو الْرَجُلِ لِزَوْجِهِ الكتابية أو المرء لمن أحسن إليه وأعانه من الكفار فهو الحب مباح فهذا الحب مباح وما دام لم يؤثر في بغضه لكفر الكافرين وفسق الفاسقين ومعصية العاصين أما إذا أثر في بغضه فإنه يعود إلى أحد القسمين السابقين بما فيهما من تفصيل والدليل على أن الحب الطبيعي للكافر لا يؤثر في كمال الإيمان لكونه مباحا بالشرط الآنف ذكره يعني قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في وصف حاله مع عمه أبي طالب الذي مات على الكفر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فأثبت الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم محبة عمه الكافر ولم يعتب عليه هذه المحبة ولا لأمه عليها ولا لامه عليها فدل ذلك على عدم مخالفتها لكمال الإيمان وأن تخالفه قد وقعت من أكمل الناس إيمانا قال الطبري إنك يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء أن يهديه من خلقه بتوفيقه للإيمان بالله وبرسوله ولو قيل معناه أنك لا تهدي من أحببت لقرابته منك ولكن الله يهدي من يشاء كان مذهبا. Donc le cheikh explique pour terminer en ce qui concerne l'amour qui est permise, c'est l'amour naturel. Et il dit donc que c'est l'amour naturel et ça sort des catégories qu'on a mentionnées précédemment. Et c'est l'exemple de l'amour du père pour son fils qui est mécréant ou l'amour du fils pour ses parents qui sont mécréants ou de l'homme pour sa femme qui est chrétienne ou juive ou d'une personne qui a fait un bien quelconque et qui l'a aidé parmi les koufars. Donc ça c'est un amour qui est permis tant que ça ne fait pas d'effet sur la haine qu'il a pour son kouf, pour le kouf du kafir ou le fils du pécheur ou le péché du pécheur. Donc tant que tu détestes son kouf ou que tu détestes son shirk, que tu détestes son péché et ainsi de suite, donc ça ne fait pas de tort et ça ne diminue pas ta foi. Toutefois, si ça fait un effet, ça a un effet dans la haine que tu as pour sa mécréance, son péché, dans ce cas-là, ça revient à une des catégories précédentes qu'on a mentionnées. Et il y a des détails, ça revient aux deux catégories précédentes avec les détails qu'on a mentionnés précédemment. Et il dit ensuite, la preuve que l'amour naturel pour le kafir n'a pas d'effet sur la perfection de la foi, c'est parce que et que c'est permis aussi, c'est la condition qu'on a mentionnée précédemment, avec les conditions qu'on a mentionnées précédemment, c'est-à-dire à condition que ça ne fasse pas diminuer ta haine pour leur mécréance, donc que ça n'a pas d'effet contre, ou d'effet sur la foi, que ça ne fait pas diminuer la foi complète, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le verset 56 dans Surat Al-Qasas. Et il décrit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son état avec son oncle Abu Talib lorsqu'il est mort sur la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut et il connaît mieux ceux qui sont bien guidés. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle mécréant. Et il ne l'a pas blâmé pour cet amour. Et il ne l'a pas, donc, donc c'est la preuve que ce n'est pas en contradiction avec la perfection de la foi. Et comment cela pourrait-il être en contradiction avec la foi, puisque ça s'est produit de la plus parfaite des créatures et des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne les paroles de l'imam al-Tabari dans son tafsir, le volume 10 à la page 58, dans lequel il dit, ô Muhammad, c'est-à-dire il explique le verset, il dit, toi, ô Muhammad, tu ne guides pas celui que tu aimes. Et il explique le verset en disant ici, celui dont tu aimes la guidance. Hein? Mais Allah guide celui qu'il veut. Hein? C'est-à-dire celui qu'il veut guider parmi ses créatures par le succès à la, vers la foi que Allah donne. Hein? De croire en Allah et en son messager. Et il explique ensuite, l'imam al-Tabari, il dit, et si certains disaient que cela signifie tu ne guides pas celui que tu aimes, ce serait à cause des liens de son lien de parenté. Parce que, bien entendu, on ne peut pas aimer le kafir. Donc, si c'est l'amour naturel à cause des liens de parenté, donc ça, ce serait une façon de l'interpréter. Et c'est ça que l'imam al-Tabari a dit. Mais Allah guide qui il veut. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On a complété donc le point numéro 6 avec les 14 principes. Maintenant, on est arrivé donc au point numéro 7 dans le livre, c'est-à-dire les causes, asbab al-inshiraf fi fahmi aqidat al-wala'i wal-bara', les causes de la déviation au sujet de la croyance en al-wala' wal-bara'. On va lire ça au prochain cours, inshallah, et ce sera probablement à mon retour de mon voyage, parce que je pars la semaine prochaine en voyage, donc je serai pas au Canada à partir de la semaine prochaine, à partir de cette semaine. Donc il n'y aura pas de cours la semaine prochaine, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين